Ose dire non. Ami, ose dire non quand une bouteille t'est tendue. Car ta vie est précieuse. Ose dire non quand le crack t'est offert. Sinon, il craquera ta vie. Ose dire non quand ta main ou ton corps veut s'accaparer du bien d'autrui. Aime ton prochain comme toi-même. Ose dire non quand tu veux te lancer dans des dettes. Contente-toi de ce que tu possèdes. Ami, ose dire non quand la violence veut faire de toi un perdant. Mais sois plus intelligent qu'elle. Oui, ose dire non à toutes les mauvaises choses qui frappent à ta porte. Car n'oublie pas, tu es l'enfant du bon Dieu. Alors, ami, ose dire non. Ose dire non. Aime ton prochain comme toi-même.